mange des liens qui m'embarrassent. Ne crains ni feu ni glace. J'ai fui le fond de ma tanière bien avant mes sœurs et mes frères. Quitter le giron de ma mère, une vraie louve de caractère. J'ai toujours eu besoin d'espace, besoin de plus de place. Je range les liens qui m'embarrassent, ne crains ni feu ni glace. J'ai abandonné la clairière, parti rôder en solitaire, traverser la large rivière, faisant des bonds de pierre en pierre. J'ai toujours eu besoin d'espace, besoin de plus de place. Ah ouh, je ronge les liens qui m'embarrassent, ne crains ni feu ni glace. Longtemps j'ai longé la lisière, et mis dans l'étang la tourbière. Puis j'ai franchi le mur de pierre, plantant mes griffes aux doigts du lierre. J'étais un jeune loup fort et fier, ne connaissant pas de frontières. J'aurais même pu quitter la terre, aller visiter l'univers. Besoin de plus de place. Je ronge les liens qui m'embarrassent, ne crains ni feu ni glace. Maintenant vieux gris de crinière, les pattes couvertes de poussière. Je fouille les buissons de la terre, je voudrais revoir ma tanière. J'ai toujours eu besoin d'espace, besoin de plus de place.